Chapitre 5. Le lendemain, au point du jour, Juan Pasquale convoqua le tribunal des 24 sans qu'ils sussent pour quelle cause ils étaient assemblés. Tous étaient dans le grand costume de leur charge, et le primer assistente les présidait en silence, la verge de la justice à la main, lorsque l'huissier annonça « le roi ». Tous se levèrent étonnés. « Asseyez-vous, messieurs, » dit Juan Pasquale. Ils obéirent, et le roi entra. « Eh bien, seigneur assistente, » dit Don Pedro, s'avançant au milieu de cette grave assemblée, « quel est votre bon plaisir ? Car vous voyez que je me rends à vos ordres, quoiqu'ils eussent pu m'être transmis avec un peu plus de politesse et de courtoisie. »« Sire, » répondit Pasquale, « il ne s'agit en ce moment ni de politesse ni de courtoisie. Il s'agit de justice, car à cette heure, j'agis non point en courtisan du roi, mais en magistrat du peuple. « Ah ah !» reprit Don Pedro. « Il me semble pourtant, mon digne maître, que ce n'est pas le peuple, mais c'est le roi qui vous a mis aux mains cette baguette blanche que vous avez l'air de prendre pour un sceptre. « Et c'est justement, répondit gravement et respectueusement Pasquale, parce que c'est le roi qui m'a remis cette baguette entre les mains, que je dois me montrer digne de l'honneur qu'il m'a fait en me la confiant, et non la déshonorer par une lâche complaisance. « Trêve de morale, interrompit Don Pedro, que me veux-tu ? Sire, dit Juan Pasquale, un meurtre a été commis dans la nuit du dernier vendredi au dernier samedi. Votre Altesse le sait bien, puisque c'est elle-même qui me l'a annoncé. Après, votre Altesse m'a donné 3 jours pour découvrir l'assassin. Eh bien ? Eh bien, dit Juan Pasquale en regardant fixement le roi, je l'ai découvert. Ah ah ! Fit le roi. Alors je l'ai assigné à paraître à mon tribunal. Car la justice est une, pour les forts comme pour les faibles, pour les grands comme pour les petits. Roi Don Pedro de Castille, vous êtes accusé d'assassinat sur la personne d'Antonio Mendes, chef des gardes de nuit du quartier de la Giralda. Répondez au tribunal. Et qui a l'audace d'accuser le roi d'assassinat ? Un témoin, à qui j'ai juré le secret. Et si le roi de Castille nie qu'il soit coupable ? Il sera soumis à l'épreuve du cercueil. Le corps d'Antonio Mendes est exposé dans l'église voisine où il a été conservé dans ce but. C'est inutile, dit Don Pedro d'un air léger. C'est moi qui ai tué cet homme. Je regrette, répondit Pasquale d'un ton plus grave encore, que le roi de Castille paraisse attacher si peu d'importance au meurtre d'un de ses sujets, surtout lorsque ce meurtre a été commis de sa propre main. Doucement, seigneur assistente, reprit Don Pedro, forcé par l'ascendant que prenait sur lui Pasquale de se défendre. Doucement, il n'y a pas de meurtre ici, il y a un combat. Je n'ai point assassiné Antonio Mendes, je l'ai tué en légitime défense. Il n'y a pas de légitime défense contre un agent de la justice qui accomplit un ordre et exerce ses fonctions. Mais peut-être aussi son zèle pour son devoir l'avait-il entraîné trop loin, reprit Don Pedro. La loi n'est point si subtile, sire, répondit l'assistente d'un ton ferme, et d'après votre propre aveu, vous êtes convaincu de meurtre. Tu mens, misérable, s'écria le roi. Je t'ai dit que je l'avais tué, c'est vrai. Mais je ne l'ai tué qu'après lui avoir dit de se retirer. L'insensé alors a tiré son épée et il est tombé après un combat loyal. Tant pis pour lui, pourquoi a-t-il refusé d'obéir à mes ordres ? Parce que c'était à vous, sire, d'obéir aux siens, au lieu d'y opposer une résistance coupable. Oh, la menace ne m'empêchera point, sire, d'accomplir mes fonctions terribles. Lorsque vous m'avez pris dans mes montagnes, sans me demander ma volonté, sire, lorsque malgré moi, vous m'avez fait primer assistente, c'était pour avoir un juge et non pas un courtisan. Eh bien, vous avez un juge, répondez. J'ai dit ce que j'avais à dire. Oui, j'ai tué Antonio Mendes dans un combat, c'est donc un duel et non pas un meurtre. Il n'y a pas de duel, sire, entre un roi et ses sujets. Tant qu'ils sont loyaux et fidèles, rien ne l'autorise à tirer contre eux son épée. Il les a reçus en compte de Dieu, et il en rendra compte à Dieu. D'ailleurs, vous saviez que vous vous opposiez violemment à l'exercice de la loi, que vous-même vous avez faite. Et votre rang royal, loin d'être une excuse en cette circonstance, aurait dû vous faire comprendre que plus haut vous êtes placé, plus grand devait être l'exemple. Écoutez donc votre arrêt. Le roi fit un mouvement de fierté. Ses yeux étincelèrent, et il porta la main à la garde de son épée. Juan Pasquale continua. Demain, à midi, je vous somme, Don Pedro de Castille, de vous trouver sur la place de la Giralda, la plus voisine de l'endroit où le crime a été commis, pour y écouter et subir la sentence que la justice trouvera convenable de prononcer. Si vous espérez dans la miséricorde de Dieu, je vous engage à ne pas manquer à cet appel, mais à vous y rendre avec tous les sentiments qui font la dernière espérance du coupable. » Ayant ainsi prononcé l'arrêt d'une voix lente mais ferme, Juan Pasquale fit signe au roi qu'il pouvait se retirer. Après quoi, il se leva lentement lui-même et sortit de la salle d'audience, suivi des 24. Le premier mouvement de Don Pedro avait été la colère. Le second fut l'admiration. À cette époque, le roi de Castille était encore dans cette première moitié de sa vie qui lui avait fait donner le titre de justicier. Son cœur était donc accessible à tout grand exemple, et c'était pour lui un exemple inouï et surtout inattendu au milieu de ses courtisans agenouillés sur son passage que celui d'un homme osant faire publiquement le procès d'un roi qui n'avait pas exécuté les lois de son royaume. Il se décida donc à obéir à la sommation de l'assistente et à comparaître le lendemain revêtu des insignes du rang suprême sur la place de la Giralda. Don Pedro désigna pour l'accompagner Fernand de Castro et Juan de Padilla, ne voulant pas d'autre suite afin qu'on ne pût pas l'accuser d'intimidation. Cependant, la nouvelle de ce procès étrange s'était répandue dans Séville et y avait excité une vive curiosité. Cette citation faite au roi et dont nul ne pouvait prévoir le résultat, cette obéissance de Don Pedro à l'ordre d'un de ses magistrats, lui qui était habitué à commander à tout le monde, cette fermeté d'un juge, inouï jusqu'alors et qui, en face, avait si imprudemment bravé l'autorité royale, tout présageait pour le lendemain une de ces scènes solennelles dont les peuples gardent le souvenir. Aussi, dès le point du jour, toute la population de Séville se précipita-t-elle vers la place de la Giralda. Quant à Don Pedro, il attendait avec ses deux compagnons l'heure à laquelle il devait comparaître pour entendre la lecture de son jugement. Ceux-ci avaient bien essayé d'obtenir de lui qu'il prît un cortège plus nombreux et une garde armée. Mais le roi avait répondu positivement qu'il désirait que tout se passât ainsi qu'il l'avait ordonné et qu'il n'y eût d'autre garde que celle qui présidait d'habitude au jugement du primer assistente. Seulement, il permit qu'une douzaine de seigneurs le suivissent par derrière, mais sans armes, et après leur avoir fait jurer que quelque chose qu'arrivât, il ne ferait rien sans un ordre positif de sa bouche. À peine le peuple le vit-il paraître qu'il le salua de ces acclamations que les rois sont rarement habitués à entendre. Don Pedro ne se trompa point à ce témoignage, car ce que le peuple applaudissait en lui, c'était son obéissance bien plus que sa majesté. Il continua donc de s'avancer vers la place de la Giralda, mais arrivé à une certaine rue, des gardes lui barrèrent le passage et lui indiquèrent un autre chemin. Les seigneurs voulaient continuer nonobstant la défense, mais Don Pedro leur rappela leur promesse et donna l'exemple de l'obéissance en prenant, sans objection aucune, la route indiquée. Les acclamations redoublèrent. Les seigneurs froncèrent le sourcil, car il leur sembla visible, cette fois, que les acclamations étaient une insulte au pouvoir royal abaissé dans leur souverain. Mais Don Pedro demeura impassible et sa figure n'exprima rien dont ses courtisans pussent s'autoriser pour désobéir. Ils le suivirent donc en silence et arrivèrent ainsi par un long détour à la place de la Giralda. Une enceinte était réservée pour le cortège royal. Au milieu de la place, adossé au campanile et sur une estrade élevée, siégeait le tribunal des 24, présidé par Juan Pasquale. À sa droite, et formant une des extrémités du cercle, était la statue en pied du roi Don Pedro, revêtue des insignes royaux. Seulement le piédestal avait été masqué par un échafaud, et le bourreau, sa grande épée à la main, se tenait debout sur la plateforme. En face était réservée la place que, avons-nous dit, le roi était venu prendre avec sa suite. Toute l'autre partie du cercle était réservée aux spectateurs. Quant aux intervalles qui se trouvaient à droite entre le tribunal et l'échafaud, et à gauche entre le tribunal et le roi, ils étaient remplis par la garde montagnarde du primer assistente. Aussitôt que le roi parut, un roulement de tambour, rendu plus lugubre par le voile de crêpe qui les recouvrait, se fit entendre et répandit aussitôt dans l'âme des assistants ce sentiment lourd et pénible que l'on éprouve malgré soi dans les circonstances suprêmes. Don Pedro n'en fut pas plus exempt que les autres, et les seigneurs qui l'accompagnaient manifestèrent hautement leur indignation. Mais le roi leur imposa silence. Lorsque le roulement eut cessé, l'huissier se leva et appela à haute voix « Don Pedro, roi de Castille, me voici, » dit le roi du haut de son cheval, « que me voulez-vous » « Sire, » répondit l'huissier, « vous êtes cité pour entendre votre sentence et pour la voir mettre à exécution. Insolent ! S'écria Padilla en faisant franchir la barrière à son cheval et en le dirigeant vers l'homme de justice. Soldat ! Dit Juan Pasquale, qu'on amène le cavalier. Le premier qui me touche est mort ! Cria Padilla tirant son épée. Sire Castillan, dit Don Pedro, d'une voix ferme et sonore, retirez-vous, je vous l'ordonne. Padilla remit son épée au fourreau et fit sortir son cheval de l'enceinte. Un grand murmure d'étonnement courut par toute la foule et la curiosité redoubla. Don Pedro de Castille, dit Juan Pasquale se levant à son tour, vous êtes atteint et convaincu d'avoir commis un homicide volontaire sur la personne du garde de nuit Antonio Mendez lorsqu'il était dans l'exercice de ses fonctions. Ce crime mérite la mort. Il se fit alors dans la foule une exclamation puissante qui dégénéra en un long murmure pareil au grondement d'une tempête. Le peuple lui-même commençait à trouver que le juge allait trop loin. « Silence !» cria Don Pedro. « Laissez le magistrat continuer son office. » On se tut. « Je prononce donc contre vous, » continua avec le même sang-froid Juan Pasquale, « la sentence de mort. » Mais comme votre personne est sacrée, et que nul que Dieu, qui vous a mis la couronne sur la tête, ne peut toucher ni à votre tête, ni à votre couronne, cette sentence sera exécutée sur votre effigie. Et maintenant que j'ai accompli autant qu'il est en moi le devoir que ma place m'impose, que le bourreau fasse le sien. » Le bourreau leva son épée, et la tête de la statue royale, brisée à la hauteur des épaules, roula au bas de l'échafaud. « Maintenant, dit Juan Pasquale, que cette tête soit placée au coin de la rue où a été tué Antonio Mendez et qu'elle y reste pendant un mois en mémoire du crime du roi. » Alors Don Pedro descendit de cheval et s'avançant vers Juan Pasquale. « Très digne assistente de Séville, lui dit-il d'une voix calme, « je m'applaudis de vous avoir confié l'administration de ma justice, car je vois que je ne la pouvais remettre à personne qui la mérita autant que vous. Je vous confirme donc dans les fonctions que vous avez jusqu'à ce jour si loyalement et si impartialement remplies. Votre sentence est juste, qu'elle demeure entière. Seulement, ce n'est point un mois, c'est toujours que cette tête tranchée par la main du bourreau restera exposée afin qu'elle transmette à la postérité le souvenir de votre jugement. » La volonté de Don Pedro fut exécutée, et de nos jours encore, on peut voir, au coin de la rue del Canilero, cette tête déposée dans une niche et que le peuple assure être la même qui fut déposée en l'an 1357 par la main du bourreau. Voilà la légende de Don Pedro telle qu'elle est racontée par l'historien Zurita dans ses annales de Séville. Ainsi s'achève Pierre le Cruel par Alexandre Dumas.